Je dois partir, dis-leur bien que je les aime. Si jamais je dois périr, que les anges soient en moi-même. Si jamais, et si le vent m'emmène. Faites que l'on s'aime, faites qu'il n'y ait plus de peine. J'ai froid, je glisse, où suis-je? C'est la merde. J'ai comme une sensation de vertige, je vais là où le vent me mène. Je ne sens plus le sol, je me sens si seul. Je crois que mon air sonne, je dois faire mon deuil. Si je dois écouler mon dernier pas, pouvoir sourire qu'une dernière fois. Si désormais je ne dois plus être là, j'aimerais que les gens puissent écouter ça. J'espère que certains ne m'oublieront pas, que mes sons resteront toujours là. Mon corps est déjà sous terre, mais ma voix restera près de toi, hein. Je sais que j'ai pas été parfait, j'ai jamais été sûr de moi. J'ai pleuré, j'ai foiré, j'ai péché, j'ai fait tant de choses que je ne voulais pas. Dites au monde entier de faire la paix, qu'ils aient plus besoin de faire des lois. Qu'ils s'entendent sans s'entretuer, qu'ils s'écoutent au moins une fois. Mais fini le remords, si jamais c'est l'heure de ma mort. Y'a pas d'issue quand vient ce sort. J'ai mal au cœur, je devrais partir sans aucun remords. Attacher la sangle de mes ailes à mes épaules et m'envoler dans l'au-delà. Par-dessus mon vécu qui reste ancré, même quand je ne serai plus là. Si jamais je dois partir, dis-leur bien que je les aime. Si jamais je dois périr, que les anges soient à moi-même. Si jamais, et si le vent m'emmène. Faites que l'on s'aime, faites qu'il n'y ait plus de peine. J'suis désolé pour le mal que j'ai pu faire, putain j'ai pas toujours réfléchi. Mon corps est allongé par terre, fait chier, mes deux genoux se sont fléchis. Je n'ai jamais rien voulu gâcher, j'ai seulement voulu survivre. Mais de cette vie on m'a arraché, c'est le dernier chapitre de ma vie, de mon livre. C'est ainsi que va la vie, oui, c'est ainsi qu'on vit l'ami. Avançons sans souci et sans mépris, jusqu'à ce jour où tout est nuit. Je ne veux pas vous rendre ému, moi, voir tes larmes couler sur moi. Si je pars, faites que le monde n'ait que le bonheur et l'amour en surpoids. Quand j'étais petit, je pensais qu'on se réincarnerait en animal, qu'on n'aurait ni peur ni mal, qu'on vivrait une nouvelle fois. Mais si Thierry, elle est pas normale, je partirais comme dans un rêve, plongé dans un long sommeil. Je volerais comme un ange au ciel, t'admirant toi sur le sol, brillant sous le soleil. Je ferais tout pour résister, si jamais on me tire vers l'ombre. Je ferais tout pour résister, sous la lumière avant la pénombre. Je ferais tout pour persister, si jamais je vois la fin. Je ferais tout, mais sachez que je vous aimais et je vous aimerai toujours demain. Si jamais je dois partir, dis-leur bien que je les aime. Si jamais je dois périr, que les anges soient en moi-même. Si jamais, et si le vent m'emmène. Faites que l'on s'aime, faites qu'il n'y ait plus de peine. Que tout peut arriver dans ce monde, vivons dans la conscience, la raison, l'amour, le bonheur, la paix sont nos vrais sens. Puisque tout peut arriver dans ce monde, profitons de nos vies, jour après jour, si jamais ça se produit. Puisque tout peut arriver dans ce monde, vivons dans la conscience, la raison, l'amour, le bonheur, la paix sont nos vrais sens. Puisque tout peut arriver dans ce monde, profitons de nos vies, jour après jour, si jamais ça se produit.